en Lamborghini, j'en connais. Des filles en bikini, des flingues, tu me reconnais. C'est pas que je pense au putain de match qui vénère. J'ai des flingues, j'ai des tas de match qui se lèvent. Ma chaîne ne fait que briller, me mouche avec des billets. Car je suis un gangsta, photo, je suis un gangsta. Coupé, coupé. Qu'est-ce que tu fais là? T'es malade? Non mais, Oli, si tu veux marcher dans le rap, aujourd'hui il faut faire ça, il faut des grosses manœuvres. Si, Flo, c'est pas ta voiture, c'est notre cousine. Je sais. Donne-moi ça, je vais t'expliquer. J'ai un dingue star, j'ai pas de shit, j'ai pas de coke ni d'héro. J'ai pas de crew, j'traîne pas, faut que j'bosse mon intero. En soirée, les potes se lâchent une bière et vodka. Et puis Flo, c'est moi un grand verre de coca. Une fine flingue, j'sais même pas m'en servir. J'fais quoi d'une Ferrari, j'ai toujours pas mon permis. J'ai déjà pris les trains, film, Oli mélancolie. Moi j'suis allé en prison, mais qu'au Monopoly. J'avoue, je marche devant leur clip, leur bling bling et leurs photos. Tout est vrai chez moi, sauf ma montre et mon polo. Pas tant pour le sport, moi c'est le rap d'abord. Et bien mon clip, tu verras qu'un labrador. Et je grave dans le métro, pas la taille d'un héros. Couché tard, le veto en vitale sous le préau. Si je me dis pompe, je prends le malaise. Mais le sourire aux lèvres, je viens terminer mon set. Et je suis pas, et je suis pas, et je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le fric, j'ai pas les bras américains, ça quitte ça. Je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. Freestyle sous le fléau, freestyle sous le fléau, freestyle sous le fléau. Dans mes classiques, je les connais. Dis-moi pourquoi t'es étonné. Je me réveille tranquille, normal c'est samedi. Le soleil déjà levé, normal c'est midi. Je me pose devant la télé avec un bol de miel. Pof, à peine fini de boire le lait que j'allume la Xbox. Des heures avec les amis, s'il vous plaît aidez-moi. Oui, je suis un geek, je crois que j'ai raté ma vie à cause de GTA. Moi je connais par cœur les cases de Bryce de Nice. Voici le premier rappeur sponsorisé par Leader Price. C'est pas marrant, j'ai souvent du mal à m'y faire. C'est moi le grand, mais on prend pour le petit frère. Je suis pas un gangsta, pas de flingue de Kenja. Quoi, tu veux que je boive, que je baisse, que je fume? T'es ferme ta gueule et par tes chouettes, ça grime. J'ai pas la vie de rêve, j'suis pas un petit balèze. Mais le sourire aux lèvres, j'viens de terminer mon set. Thank you.